On s'est tous déjà trouvés dans une salle très bruyante, à la cantine ou dans un café par exemple. Et pourtant, dans un brouhaha épouvantable, on est quand même capable de suivre une conversation pour peu que l'on y prête attention. Essayez de capter ce que dit votre voisine à la table de droite. Quel bruit, nom d'une pipe! Et pourtant, vous vous en êtes rendu compte. Vous avez réussi à focaliser votre attention sur la conversation à la table de droite. Dans une ambiance très très bruyante, le cerveau est capable en effet de distinguer toutes les sources sonores, alors qu'elles nous parviennent simultanément aux oreilles. Un vrai méli-mélo. Par exemple, dans cet extrait, on peut discerner sans problème le bruit des verres qui s'entrechoquent, de la musique en fond, des rires et des conversations. Notre cerveau arrive à différencier tous ces sons s'ils ont des fréquences fondamentales bien distinctes, des timbres différents ou s'ils ne sont pas tous dans le même rythme. Du coup, en se focalisant sur la conversation qui nous intéresse, on peut la séparer du reste des bruits pour mieux la suivre. Mais tout ça a une limite. Avec le vieillissement de l'ouïe, il est de plus en plus difficile de faire ce travail d'analyse. Le bruit devient confus. On ne distingue plus vraiment les sons les uns des autres. C'est le syndrome du banquet, l'effet cocktail party. La cause est encore inconnue, mais les chercheurs planchent dessus.